Hijo, hijo, ya te lo he dicho, no tengo dinero. No vas a encontrarlo porque no tengo el dinero que buscas. Es el único dinero que tienes. Venga. Para ti, me mucho dinero, cariño. Llévatelas, hijo, véndelas. Véndelas, por el amor de Dios, Keitor, llévatelas. ¿Qué estás haciendo? No les provoques. Je fais déjà du à ma mère. Depuis le plein d'essence, je m'appelle Juan Carlos Emiliano Cubain de naissance. J'ai décidé de quitter l'île par les eaux. Quitte à rester libre, j'ai suivi le réseau. Raté par les autres, si Dieu sait que j'ai raison. Le choix n'est plus à faire, je laisse le trois quarts de mes affaires. Ma peine à la maison, mon mobilier était pauvre. Direction pour les plages, humanité pauvre, donc les barges, ça peut savoir large. Je suis là à l'heure, à l'endroit précis. Apparemment pas seul dans le malheur, nous voilà 12, non trop agressifs. Ces derniers nous montent à bord, nous tâchent les banquettes. Arrache l'or sur mon voisin, disant ça, fallait le planquer. Doute maman, voyant la vanne s'éloigner. Ce type dépouillant nos sacs en ricanant ses loyers. La nuit tombe et emmène avec elle l'euphorie. Maudit soit fidèle qui me fait fuir mon pays pour la Floride. Mais j'en suis là, ruisselant, car le vrai danger s'amène. Je pleure un plan le tout puissant entre deux vagues de 5 mètres. Les trois types dans la cabine nous regardent sans plaisanter. Soudain l'instant avec la cabine et nous crie de sauter. Le passeur devient tueur clandestin du point en trop. Il faut choisir les requins du Détroit, prendre du plomb dans le tronc. Touché et c'est mon corps entier qui se détend. Je tombe à l'eau, cette dernière remplit mes poumons, j'ai 17 ans. Sous la lune, une vie s'endort. Elle vaut rien pour toi, mais pour une mère, elle vaut son pesant d'or. Sous la lune, dernier pas de menteur. Dernier souffle, juste attendre que ça sera lune. Mais la lune n'apporte que l'obscurité. Y'en a pourtant que ça amuse, parler d'insécurité. Là la lune, et sans l'autre présumé coupable. Rien ne sert de se rassurer des conneries, qu'elles soient pleines ou pas. Excusez-moi, vous avez pas une cigarette? J'ai un briquet là. Hein? Salaud. J'ouvre les yeux, le crâne sans dessus le sou. Je m'appelle Jean-Baptiste, je sais plus quoi. Pur français le sou, j'ai passé la nuit sur le banc du parc. Je viens de te demander une cigarette, mais pourquoi ne réponds-tu pas, hein? Toi tu regardes ton poids et tu ris. Je suis condamné, sais-tu que derrière l'odeur d'alcool et d'urine, y'a 15 années d'études, mais tout comme toi la rue s'en moque. Je suis juste un de plus, en bouffe dans un arrêt de bus. Un froc, trois pulls plein de puces, ça la route. La dalle me fait quitter le banc de pierre, mais je tiens plus le tout. Je tombe rouge, j'ai bu tellement de bière rouge. Et mon nez provoque la moquerie. J'ai le temps de me relever, de bouger pour la rue de la loterie. Là-bas j'ai mes habitudes, un fameux fast food. Dans la poubelle je mange la laitue, dans la queue qu'est-ce que tu veux que j'y fasse fou. Bientôt minuit il faut courir acheter le chinois. Elle ne sera pas à me juger, il me nourrit depuis 6 mois. Écoute ce soir j'irai loger sur la bouche de métro ou dans les squares, je sais plus trop. Au moment où je m'interrogeais, dans la rue ça crie, ça court vite. Le chinois tire la grille, j'ai beau tenter de prendre la fuite, c'est plus de 10 mains qui m'agrippent. Je suis traîné dans la ruelle, ils s'arrêtent au hasard. J'entends parler de rituels et je les bois armés de rasoirs. Ils m'ont lacéré le corps, l'aiguille a fait un tour 4 ans. J'ai perdu mes oreilles, ma langue et mon sang, j'ai 34 ans. Sous la lune, une vie j'endors. Elle vaut rien pour toi, mais pour une mère, elle vaut son pesant d'or. Sous la lune, dernier pas de menteur. Dernier souffle, juste attendre que ça sera lune. Mais la lune n'apporte que l'obscurité. Y'en a pourtant que ça amuse, parler d'insécurité. Là la lune, et sans l'autre présumé coupable. Rien ne sert de se rassurer, les conneries qu'elles soient pleines ou pas.